et bonjour à toutes. C'est samedi et c'est l'heure de votre rendez-vous avec le disco et le funk. Alors, pour la découverte du jour, je vous propose The Isley Brothers et leur titre That Lady. Le titre, il a été enregistré pour la première fois en 1964. Vous imaginez, il y a 60 ans, et c'était sous le titre Who's That Ladies. En 1973, ils vont enregistrer dans une version différente ce titre qui va atteindre la 6e place des charts US. La chanson va figurer dans l'album Three, paru la même année. The Isley Brothers, c'est un groupe américain, bien sûr, vous en serez douté, originaire de Cincinnati, qui est actif depuis le début des années 50. C'est un peu des dinosaures. Hein. Depuis leur premier enregistrement en 1955, les Isley Brothers ont continué à rester actifs dans des répertoires variés tels que le gospel, le R&B, la soul, le funk, le rock'n'roll et le disco. Le groupe y possède le record d'avoir placé un titre dans le Billboard Hot 100, c'est le classement des États-Unis de meilleure vente, au moins une fois par décennie entre les années 50 et les années 2000. Ils sont également l'un des groupes dont les titres sont les plus repris et samplés dans l'histoire de la musique. C'est parti pour l'écoute. guitare, ça a quand même un petit coup à Jim Hendrix, vous trouvez pas? Bon, on va passer à la suite. En juillet, une grande star nous a quittés et il est temps de lui rendre hommage. J'ai envie de vous faire écouter deux tubes de cette grande dame. C'est bien sûr Evelyn Thomas. Alors le premier que tout le monde connaît assurément, c'est High Energy, qui deviendra un succès partout, absolument partout dans le monde. Il est extrait de son album éponyme, tout comme le second que je vous ai choisi, qui s'appelle Heartless. C'était en 1984, et ça donnait ça. De bonnes ondes avec Fadjet. We'll be right back. patience with you, it's wearing everything. Don't waste your time, 'cause I won't let you in. I won't be used, not for one day more. Et il bouge bien ce morceau, hein. Il mériterait d'être un peu plus connu quand même. Bon, on va passer à la suite, le maxi. Alors, ça va être direction l'Italo Disco avec Scotch. Take Me Up est sorti en 1985 et il va atteindre la 10e place en France. Le groupe, il est composé de Vince Lancini et de Fabio Marghetti. Ce sont les deux membres du groupe Scotch. On peut dire que le titre, il a bien cartonné sur les ondes à l'époque. Profitez, comme on dit en Martinique. Dr Disco et Mr Funk sur Fadjet. On arrive doucement à la fin de notre rendez-vous, mais avant, bien sûr, il y a la pépite. Aujourd'hui, place à Sheryl Lynn et son In the Night. Paru sur l'album In the Night, qui s'appelle In the Night, bien sûr, en 1981, le titre, il va pas sortir en 45 tours. Ne me demandez pas pourquoi, je n'en sais rien. De cet album furent tirés uniquement Shake It Up Tonight, que l'on a déjà écouté, qui est franchement pas mal. Le morceau d'aujourd'hui a été composé par Ray Parker Jr., celui-là même qui a fait la bande originale du film Ghostbusters, bien sûr, le premier, celui des années 80. L'album sera quand même certifié disque d'or, c'est pas rien. Allez, c'est parti! sommes arrivés au terme de notre émission. Alors, il me reste à vous souhaiter une bonne soirée. Je vous donne rendez-vous semaine prochaine. Même heure, même endroit. Bye bye.